un peu les filles. Allez, on va ah si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, comment allez-vous? Bienvenue sur RIG, la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez appelé les copains et les copines pour écouter cette émission 2 heures de Johnny. Et aujourd'hui, je vous propose l'album de la semaine qui est Les Rocks les plus terribles, du moins Johnny revient, Les Rocks les plus terribles, sorti en juillet 1964. Et cet album-là regroupe plusieurs super 45 tours de l'époque entre 1963 et 1964. Si l'album est Johnny revient, Les Rocks les plus terribles, c'est rock déjà à la base, cet album-là est rock, donc tout le reste de l'émission sera rock également. Il n'y aura pas de balade, non, on dansera pas, on fera pas de slow, non, on se serra pas dans les bras des filles, ou les filles pour les garçons, voilà. Non, on va danser. Donc poussez les meubles, poussez la table, poussez les chaises, poussez le canapé, on va danser ce soir pendant 2 heures. Et si on commençait tout de suite cette émission par le premier titre de cet album-là, Les Rocks les plus terribles, avec le titre éponyme à l'album Johnny revient, c'est tout de suite et maintenant sur Antenne de RIG. Bonne soirée à toutes et à tous. J'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Si tant que je la vois, elle ne sait que répéter: reviens, Johnny reviens, viens. Johnny reviens, viens. Johnny reviens, oui viens. Johnny reviens, viens. Ah, reviens vers moi. Et quand j'aurais voulu la voir seule avec moi, elle a mené des copains qui troublaient ma joie. Quand je voulais sortir, elle ne le voulait pas. Si je ne cédais pas, elle pleurait dans mes bras. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Si tant que je la vois, elle ne sait que répéter: reviens, Johnny reviens, viens. Johnny reviens, reviens. Ah, Johnny reviens, viens. Johnny reviens, viens. Reviens vers moi. Elle n'avait plus de chagrin. Je croyais bien qu'elle m'avait enfin oublié, mais il n'en était rien, j'ai pu le constater. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quitté. Toujours elle ne fait que répéter: ah, reviens, ah, Johnny reviens, viens. Ah, Johnny reviens, oui viens. Johnny reviens, oui viens. Johnny reviens, viens. Ah, reviens vers moi. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Ça a remué dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat. Wouh! Ah, ouh! Yeah! Ah, ouh! Yeah! J'ai porté une femme qui toit de bleu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça a remué dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type fichu. J'suis mordu. Yeah, ah, ouh. Yeah, ah, ouh. Yeah, elle a l'air de ne pas se toucher. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon vous ferez comme moi, vous serez les bras en croix. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type fichu. J'suis mordu. Yeah. Elle a des yeux étranges. Vous croyez voir un petit ange, mais ne vous effrayez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus que la nuit, je suis tout rabougri et tout ça sans résultat. Wouh, je suis fichu. Ah ah ah, j'suis mordu. Yeah. Regard qui peut être monstrueux. J'suis mordu, toi de bleu. Tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus de la nuit. Je suis tout rabougri et tout ça sans résultat. Wouh, j'suis fichu. Ah ah ah, j'suis mordu. Yeah, j'suis mordu. Yeah, j'suis mordu. Yeah. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En retour, John a aidé en live à l'Olympia 1964 avec une reprise des Beatles. I saw her standing there. Autrement dit, quand je l'ai vue devant moi, Johnny sur RG. Johnny et les années 70. Car le rock and roll, en fin de compte, est quand même une musique qu'il ne faut pas oublier, une musique d'ambiance. C'est le rythme, c'est la musique, c'est... c'est... En termes de métier, on dit c'est le pied, quoi. Et toute la folie, pour le garçon déformé tout au long de l'été. parleurs qui veulent te piéger. Ils te feraient marcher, moi je te ferai danser. Tu vas en voir de toutes les couleurs, de toutes les douleurs. Des vendeurs de films, voleurs de rêves en blue jeans. Et même tu as 16 ans, tu es prêt à croire. Il te voudra longtemps celui qui te veut ce soir. Je ne fais que passer. Je suis pas mis dans ta vie, je suis là pour te faire danser. Les grands parleurs qui veulent te piéger, ils te feraient marcher, moi je te ferai danser. Amour pour la vie, le reste est sans importance. Quelle belle tu as 16 ans, et moi je voudrais tant t'aimer, vraiment te dire comme si je t'aimais. Je ne fais que passer. J'ai pas envie dans ta vie, je suis là pour te faire danser. Les bons parleurs qui veulent te piéger, ils te feront marcher, vaut mieux danser. Les bons parleurs qui veulent te piéger, ils te feront marcher, vaut mieux danser. Ils te feront marcher, vaut mieux danser. Ils te feront marcher, moi je te fais danser. Johnny Hallyday, un inédit de 1983 qui figure sur l'album Entre violence et violon, c'était le titre. Je te ferai danser, mais oui, c'est le topic en gros de la soirée, c'est vous faire danser dans votre salon, dans votre voiture, n'importe où vous voulez, et appelez donc toujours les copains et les copines s'ils veulent bouger également. On revient à l'album de la semaine qui est les rocks les plus terribles qui est sorti le 10 juillet 1964, et à son retour des États-Unis en septembre 63, Johnny devait expliquer. Au cours de notre dernier voyage à New York, nous avons fait la tournée des plus célèbres clubs de Twist dans l'esprit de trouver deux guitaristes vraiment dans le coup. C'est finalement vers 4h du matin que, complètement désespérés, nous sommes arrivés au fameux Trudy Hiller Club où jouaient Joe Egreco et Ralph Di Pietro. Deux chansons plus tard, nous étions aux anges car les gars que nous cherchions depuis si longtemps étaient là. Et au petit jour, dans un modeste café de Greenwich Village, l'accord était scellé et un mois plus tard, nos deux nouveaux copains débarquaient en France. Johnny avait d'ailleurs, lui, le plus bel orchestre de rock'n'roll qu'il ait été donné d'entendre dans notre pays. Et pour illustrer cet album-là, les rocks les plus terribles, voici le titre « Lucille ». Et quand il t'a embrassé, suis parti. Qui avait tout brisé, tout en une seule nuit. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Extrait de Rock and Slow de 1974, un titre, une reprise de Eddie Cochran, Venez tous avec moi, Come on everybody. Et à présent, on va retrouver une version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Évidemment, c'est de la soirée rock ce soir dans l'émission Johnny de A à Z sur RIG. Et Johnny Hallyday a repris beaucoup de titres de Jerry Lewis, comme de Eddie Cochran, comme de Buddy Holly, comme de Elvis Presley. Et là, on va écouter un titre de Jerry Lewis. Johnny l'a repris en 1984 sur l'album Drôle de métier. C'était le titre Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs. Voici la version de Jerry Lewis. I bet you're gonna like it. Johnny et les années 60. Et par ici. Je suis tout seul, je suis tout seul au monde. Cependant, j'ai des aimés de toi. Je suis tout seul, je suis tout seul au monde. Fini le temps où tu étais à moi. Je suis parti pour parcourir les rues de mes 20 ans. Toi tu pleurais, c'est vrai. Je suis parti et longtemps j'ai couru, le cœur battant sans l'ombre d'un regret. Mais je reviens, oui c'est moi, je suis là sur le chemin, tout comme autrefois. Mais je reviens, toi tu n'es plus là sur le chemin pour me tendre les bras. Je suis tout seul, mais il me semble encore entendre au loin la voix qui m'appelait. Je suis tout seul, en cet endroit au bord du vieux chemin où tu me retrouvais. Mon cœur est lourd et j'aimerais pouvoir tout effacer pour tout recommencer. Mon cœur est lourd, car j'ai tué sans espoir de retrouver l'amour de mon passé. Mais je reviens, c'est moi que tu entends sur le chemin. Oh chérie, je t'attends. Mais je reviens, et toi tu n'es plus là. Oui, je reviens, mais toi tu ne viens pas. Ah oui, je reviens, mais toi tu ne viens pas. Yeah. Ali Bey by Ali Bey. Johnny en live. Envoie-moi la musique. On rentre toujours l'été en 1976 au Palais des Sports. Ah, on va voir si vous vous rappelez de celle-ci. Oui. You know, I got a woman way out of town. She's a kid to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way out of town. Good to me. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? She's a kind of woman in need. I got a woman way out of town. Good to me. She's there to love me early in the morning. She's good to me. Oh yeah. She's there to love me early in the morning. Good to me. Oh yeah. She's there to help me when I'm in need. She's a kind of woman in need. Say I got a woman way out of town. Good to me. Oh yeah. She'll love me all day and night. If I go on the first days, will she treat me right? If I run in the street, leaving me alone, she knows a woman place right there, no hill, no home. I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah. Oh, I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah. I got a woman way out of town. She's good to me. Whole life. sure to love me both day and night. Never grow my surfaces, only treat me right. Never run in the street, leaving me alone. She knows a woman plays, but I tell no, you know, home. I got a woman way out of town, good to me. Oh, yeah. Oh, I got a woman way out of town, good to me. Way over town, she's good to me. Oh yeah, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, I got a woman, yeah. Well, I feel all right. Well, I feel all right. Feel all right. Well, I feel all right. Well, I feel all right. Just because I got a woman way out of town, and she's good to me. Allez, revenons à l'album de la semaine qui est Johnny Revient, les rocks les plus terribles, et à l'historique de cet album-là. Les succès s'enchaînent, le temps passe et Johnny est appelé à faire son service militaire le 8 mai 1964 au centre de recrutement donc de Meurthe-et-Moselle. Mais il n'a pas oublié son public et il lui a réservé une fabuleuse surprise. Depuis le début de l'année, titre par titre, il a enregistré un véritable album de rock'n'roll récapitulant ses classiques préférés, allait à quelques exceptions près, par Manu Roublin, la première femme qui a écrit du rock'n'roll pour Johnny Hallyday. Et à son départ, tout le monde peut découvrir les rocks les plus terribles, l'album surmonté du slogan Johnny revient. La photo de la pochette en noir et blanc a été prise sur la scène de l'Olympia en 1964. Johnny vêtu comme Elvis dans le film Loving You, et il lance son bras pour prendre à partie le public. La pose est exactement la même que celle de la couverture de l'album Salut les copains. Seule la tenue a changé. Voici tout de suite Tu me quittes. Ce soir tu me quittes, pourtant dans mon cœur je n'ai pas de peine, je n'ai pas de peur. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, tout seul à ma fenêtre, oui je te vois partir, et mon cœur ne regrette pas un souvenir. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Vaine que tu me faisais, de les entendre, je peux bien m'en passer. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, tout seul à ma fenêtre, oui je te vois partir, et mon cœur ne regrette pas un souvenir. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Johnny et les années 60. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. J'ai confiance. Écoute bien, souviens-toi bien, tout est fini, mais moi je te dis, tu as de la chance, ah vraiment de la chance, ah tu peux remercier Dieu. cet endroit, les filles, c'est comme ça. Tu as de la chance, ah, vraiment de la chance. Ah, tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Ah, tu as de la chance. Ah, tu as de la chance. Je me disais sûrement j'en mourrais. Elle a de la chance, a vraiment de la chance. Ah, tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Mais te voilà qui vient vers moi et qui me demande d'oublier tout ça. Tu as de la chance, a vraiment. Je t'ai remplacé. Ne perds plus ton temps. Souviens-toi pourtant. Tu peux remercier Dieu de n'être pas un garçon. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu peux remercier. Et les années 80. C'est à l'envers quand ça arrivait. Je peux te dire un truc, quand le jour se tombait en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils faisaient « Ah, Johnny !» Attends, j'étais là, et là, je peux rien faire, putain de merde. nouveau une version originale d'une adaptation française pour Johnny Hallyday. C'est le titre Sweet Little Sixteen, autrement dit, douce fille de 16 ans. Avant l'invasion britannique menée par les Beatles et les Rolling Stones, Chuck Berry n'était pas encore considéré comme le géant de l'écriture rock, statue qui a dès lors été reconnu. Après les chaussettes noires et leur vision de Johnny B. Goode dès 1961, Johnny montre que la France n'a pas de retard avec cette adaptation. Les paroles ne craignent pas d'utiliser le pluriel. Johnny aime les filles de 16 ans et l'âge de ses petites fiancées ferait aujourd'hui grincer des dents. En avril 63, Dick Rivers a enregistré la chanson avec un autre texte, peut-être moins provocateur, encore que, dû à Daniel Gérard, « Ta 16 ans demain ». En 1996, les Clacos de Suisse prennent le disque Johnny pour modèle. Voici tout de suite Chuck Berry, « Sweet Little Sixteen ». They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen. She just got to have about a half a million. Famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. They'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. She's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be Sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Soirée rock'n'roll dans l'émission Johnny de A à Z. Johnny et les années 60. Le paysan Johnny Charlie avait écrit à son voisin Jean. Nous aimons, je crois, la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays, celui de nous deux qui gagnera épousera le sea. Accouple vite Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Accouple vite Charlie et tu gagneras, la fille sera pour toi. Ouais. J'en avais une voiture qui attirait les regards. Son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert les portes de son palais pour recevoir voir les jolis yeux verts de mademoiselle Lucie. Accouple vite Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Accouple vite Charlie et tu gagneras, la fille sera pour toi. Nommé Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de beaux habits. Il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui soufflait dans le dos. Accouple vite Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Accouple vite Charlie et tu gagneras, la vie sera pour toi. Ouais, la plus belle Charlie, la fille sera pour toi. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. There's a blue moon rising, and I gotta get out of this town. I've been calling out your name at night. I've been calling your name out loud. I'm riding like the wind. I don't wanna be caught for a second time. I don't wanna go down again. And I gotta get back to you. Gotta get back to you. You're all I need, and I need you now. There's nothing that I can do. There's a blue moon rising. There's a blue moon rising. soirée rock et rock'n'roll dans l'émission Johnny de A à Z spéciale les rocks les plus terribles. Johnny revient. On revient un peu à l'historique de cet album-là. Et dans cette sélection de classiques rock, Chuck Berry est particulièrement mis à l'honneur. Rien que 8 jours, titre que nous allons écouter dans quelques secondes. Au rythme et au blues, Johnny revient aux carols, tous repris avec des solos de guitare Fender, cinglants par Joey Greco et la rythmique souple et puissante du bassiste Dalf Di Pietro et du batteur Bobby Clark. Johnny peut se donner comme au meilleur moment des séances de Nashville. Les autres pionniers ne sont pas oubliés. Elvis avec le titre Laisse-la partir. J'ai oublié de me souvenir de l'oublier. Celui que tu préfères. Si tu me quittes. Little Richard avec Belle, Sally, Lucille. Dave Hawkins avec son Susie Lou. Gene Vincent au travers de Frankie and Johnny. L'ensemble peut paraître disparate, mais non. Johnny et ses musiciens arrivent à personnaliser ces titres déjà profondément marqués par leurs interprètes originaux en leur donnant cette couleur surf à base de guitare en écho, de basse en avant, de batterie mitraillette, le tout ponctué par un jeu de piano sur un doigt et d'une section de cuivre discrète mais omniprésente. Une impression d'énergie, de rapidité se dégage de l'ensemble et ce travail soigné permet de mesurer le brillant des musiciens de Johnny qui devait confier. C'est vraisemblablement le meilleur orchestre que j'ai jamais eu pour le rock'n'roll. Malheureusement, la formation a été dissoute à mon départ pour l'armée. Je ne te donne que 8 jours. Rien que ça. À nos amis, je raconterai tout ce que tu m'as fait. Si tu n'es pas rentré, je ferai connaître ton aventure. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Oui, pour revenir auprès de moi, tu n'as que 8 jours. Je ne suis pas une marionnette. Toi, tu es pour moi ma seule raison d'être. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Et je vais dire à ce garçon qui t'aime que tu m'as quitté. Pour que je sois très jaloux et vienne te supplier. Je lui dirai aussi que toi tu te moques pas mal de lui. Oui, je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Oui, pour revenir auprès de moi, tu n'as que 8 jours. Je ne suis pas une marionnette. Toi tu es pour moi ma seule raison d'être. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Je vais dire à ce garçon qui t'aime que tu m'as quitté. Pour que je sois très jaloux et vienne te supplier. Je lui dirai que ce n'est pas la première fois et que t'es toujours revenu dans mes bras. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Pour revenir auprès de moi, tu n'as que 8 jours. Seule raison d'être, je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Johnny et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Écoute-moi, Sally, tu perds trop de temps. À l'heure que tu as, il faut commencer maintenant, Sally. Yeah, Sally. Ouh, oh, Sally. Tu vois ce que je veux dire. Ton corps est un frimure, il a besoin d'amour. Laisse-moi le cueillir avant que ne vienne le jour, Sally. Qui coule dans tes veines, qui brûle sous ta peau et qui te fait crier je t'aime. Oh, Sally, yeah, Sally, ouh, oh, Sally, tu vois ce que je veux dire.

que tu vois. Tu retiens la lumière, tu n'es plus solitaire. La vidéo est là pour tout recommencer pour toi. Continental Edison. Vidéo portable Continental Edison. Les loisirs vont mieux. Waouh, c'est sérieux. Oh oui, ma vie, c'est la musique. Écoute cette fille qui m'appelle. Son nom, c'est guitare électrique. Pour moi, c'est la plus belle. Oh oui, ma vie, c'est la musique. Je l'aime comme personne. Tu l'aimes comme personne. Et pour écouter la musique, c'est Continental Edison. Haute fidélité, Continental Edison. Les loisirs, mon vieux, waouh. C'est sérieux. Et pour continuer dans cette folie des rocks les plus terribles de Johnny Hallyday, voici à présent un petit duo virtuel. Johnny Hallyday et Elvis Presley. On va prendre la bande originale, la base musicale de Johnny Hallyday à Bercy en 1990. Et on prend la voix de Elvis Presley lors du comeback 1968. Et ça donne ça. So lonesome, lady, don't come back to die. All right, what's that? So if your baby leaves you and you got a tale to tell, just take. David Hallyday a dévoilé aujourd'hui, ce mercredi 24 avril, une reprise du tube 100% composé pour son père et qu'il chante en duo avec la voix de Johnny et le clip qui l'accompagne, hommage à celui de 1998. En gros, David Hallyday, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait comme votre animateur préféré, Eric Gallo. Il a fait un duo virtuel. Oui, on retrouve tout de suite Johnny Hallyday et David Hallyday sur le titre 100%. Ensemble on est devenus grands. De bons points en double zéro, paralysés par tant d'amour. On s'apprivoise au jour le jour. Qui pouvait soigner le feu et la glace au-delà de nos différences. On peut se passer de tout pas de lui. Écoutez Cochrane et Buddy Holly. Je voudrais en chanter toute ma vie. Avec le rock j'oublie tous mes ennuis. Vous aimez j'ai comme envie de danser. Rien ne peut plus m'arrêter. Johnny et les années 70. Rock'n'roll. Ceux qui m'aiment pas, bon courage, et ceux qui m'aiment, eh ben, tous les jours, je vous donne un petit quelque chose de moi. La croisière souvenir, extrait de l'album C'est la vie de John Hayder 1977. Revenons à l'album de la semaine qui est Johnny revient, les rocks les plus terribles, qui est sorti le 10 juillet 1964. Et parmi les plumes au service de Johnny, on compte nettement plus d'hommes que de femmes. Les exceptions sont Blind Buggy, Gisèle Vesta, qui a écrit comme l'été dernier, qui aurait dit ça, une boum, j'ai John. Donc je me suis trompé tout à l'heure, ce n'était pas la seule à avoir écrit des textes rock'n'roll pour Johnny. Isa Chandy avec ce jeu-là, dans un an ou un jour, le nom que tu portes. Tiananmen dans l'album Ça ne change pas un homme, et surtout Manu Roblin dont le patronyme restait lié à la réussite de l'album Johnny revient. Une belle accolade lui est alors réservée par le chanteur qui fait paraître au verso de la pochette merci à Manu Roblin pour ses textes si chouettes. À 12 ans, Manu Roblin enregistrait déjà. Sur son premier disque, elle interprète des œuvres de son père, Richard Roblin. Elle imagine ensuite ses propres textes. Après 9 extended play, c'est-à-dire les 45 tours, 4 titres, chez Barclay puis chez Pathé, elle se consacre à l'écriture pour d'autres. Elle a le même âge que les auditeurs, 16 ans, quand Dalida, Richard Anthony et Johnny chantent avec une poignée de terre. En dehors de Johnny, elle travaille pour Franck Alamo, Olivier Despax et aussi Sylvie Vartan sur les titres Ne le déçois pas, mon ami et Ne l'imite pas. Et mais aussi, elle a également écrit le texte Francky et Johnny. Elle dit à Johnny, tu es à moi. C'est bien Manu Roblin qui a écrit le texte Johnny au revoir, Baba, et Francky. Voilà, ben, boom. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 70. On en a la musique. Derrière la colline, derrière les cheminées, au-delà des nuages de fumée, il y a une source qui distille du vin, un vin plus enivrant que tous les vins. Si tu veux choisir, si tu veux le goûter, il te suffit de franchir la vallée. Ce n'est pas très loin, ça ne te coûte rien, il suffit d'oublier tes préjugés. Il faut pas faut boire à la source, extrait de l'album Flagrant Délit de 1971. Attention, voici une autre version originale adaptée pour Johnny Hallyday. C'est le titre Slow Down de Cliff Burnett. Et c'est interprété par Cliff Burnett. Ce sera le texte, ce sera le titre que je vous proposerai tout à l'heure. Mais c'est Larry Williams qui l'a composé, cette chanson-là. Et Larry Williams est un pianiste, chanteur, auteur-compositeur de rock'n'roll et des rhythm and blues. Slow Down est la face B de Dizzy Miss Lizzy et date de 1958. Le disque rencontre moins de succès que les précédents, mais sur la durée devient un classique du rock'n'roll, retrouvant une nouvelle jeunesse avec l'adaptation excellente des Beatles en 1964. Et l'adaptation est de Long Chris qui s'éloigne de l'original, mais le texte plutôt carré se rapproche bien de la violence de la ligne mélodique. Et on sait bien que c'est l'un des titres les plus agressifs du répertoire de Johnny, qui adore visiblement l'interpréter sur scène en faisant le méchant et dans pratiquement tous les concerts qu'on a pu voir depuis les années 90. C'est là qu'il a réédité ce titre-là. Voici la version de Cliff Bennett, donc, ce qui est une reprise également du titre de Larry Williams, Slow Down. What you want with me? Come on, pretty baby, what you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. I'm trying to see how romance slow down. Baby, now you're moving away too fast. You better give me a little loving, give me a little loving. When I love the best. Now you got a boy living down the street. Baby, what's he trying to do? You better slow down. Baby, now you're moving away too fast. You better give me a little loving, give me a little loving. Ah, when I love the best. On le retrouve au Théâtre de Paris en 2013 pour ses 70 ans. Et le voici avec un titre qui revient d'outre-tombe, Réclamation. Hey, appelez-moi le chef de Réor. J'ai cru que je suis pas d'accord. M'emmerde en faire ce monde. Et moi, je n'en veux pas. Oh, ce genre de cadeau, c'est pas pour ceux qu'on n'aime pas. Ça sent la poudre et le sang. Ça sent la sueur et l'argent. Remboursez-moi, je ne veux pas de ce monde-là. Non, je ne veux pas. Je ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Hey. We'll be right back. Johnny Hallyday, Théâtre de Paris en 2013. On revient à l'album de la semaine qui est Johnny revient, les rocks plus terribles, sorti le 10 juillet 1964. Et là, on arrive avec une adaptation donc de Manu Roblin sur une musique donc de Little Richard. Voici Belle, ou sinon c'était le retitre Little. On va y arriver, hein. Si tu veux, chérie, ce soir on sort avec nos amis. Fais-toi belle. Avec toi, tous nos amis ce soir vont m'envier. Et tu verras aussi les filles te regarder. Fais-toi belle, belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, et je serai fier de sortir avec toi, on va fêter ce soir tes 18 ans. Je veux que tu t'en souviennes longtemps. Mais je ne veux pas te voir en pantalon, car il y aura ce fait de garçon. Fais-toi belle. T'es 18 ans, je veux que tu t'en souviennes longtemps. Mais je ne veux pas te voir en pantalon, car il y aura suffisamment de garçons. Fais-toi belle, belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, et je serai fier de sortir avec toi lorsque nos amis seront partis et que la soirée sera finie. Tu viendras dans mes bras, oui, je le sais déjà. Et puisque tu m'aimes, dis-le, dis-le, moi. Fais-toi belle. Avec toi. Soirée rock'n'roll et rock dans le soir érigé dans l'émission Johnny de A à Z. Il n'y a qu'un truc à vous dire. Au revoir, barbe, loubab, la bim, boum. Bon, d'accord, c'est bon. Johnny et les années 2000. On retrouve le titre Arrête le temps, qui figure sur l'album À la vie et la mort, Johnny Hallyday, en 2002. À force de tout détruire, pour rien par habitude, je ne savais que construire mes propres solitudes. Tu es venu un jour, sans bruit comme en secret, apprendre l'amour à l'homme, oui que j'étais. À force de tout briser, de me croire éternel, j'avais fini par aimer l'enfer plus que le ciel. Mais je t'attendais pour apaiser mon corps, naufragé que j'étais, perdu à moitié mort. J'aimais le goût des larmes, à en perdre mon étoile, ce qu'il me restait d'âme. Et je t'espérais depuis le premier jour, toi qui donnerais un sens au mot amour. Arrête le trop tard. ça ne finira jamais. Johnny et les films. Au ciel, mais loin d'être un ange, il me manque les ailes. Sur la terre je retombe et je me fais très mal, et des ennuis sans nombre arrivent, c'est normal. Sur des chevaux étranges, pour des galops de fou, c'est là que ma vie change et devient à mon goût. J'ai besoin de vivre en toute liberté, et là je me sens libre sur mon cheval d'acier. Au cinéma pouaillé, des galops d'enfer, moi j'ai pour le ressembler des chevaux de fer. Je rêve d'enlever la fille au regard d'ange qui voudra bien m'aimer. Monter en Amazone, ses bras autour de moi, j'attends plus que personne, un jour cet amour-là. Sur des chevaux étranges, je veux bondir au ciel, mais loin d'être un ange, il me manque les ailes. L'amour dont je rêve pourrait bien arrêter ma fureur et la fièvre d'une nuit tourmentée. Cheval d'acier et de fer, tu m'emmèneras vers le ciel ou en enfer, qui vivra verra. Années 2010. On m'a tout dit dans ma vie. Oui. C'est une bête de scène. Oui. C'est de Jim du rock'n'roll. Que... C'est... Mais ce qui me ferait plus plaisir, c'est qu'on dise que son double signe Johnny Hallyday. pays c'est l'amour, extrait de l'album éponyme Mon pays c'est l'amour, l'album dernier album de Johnny Hallyday en date. Et oui, bah ça, il n'y en aura pas d'autres, hein, évidemment, avant que ce soit que des reprises. Et c'est l'album posthume. On revient à l'album de la semaine qui est Johnny revient à les rocks les plus terribles, qui est sorti le 10 juillet 1964. Et selon l'édition française du magazine Rolling Stone, cet album est le 79e meilleur album de rock français. Il est également inclus dans l'ouvrage de Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre présente Rock français de Johnny à Bébé Brune, 123 albums essentiels. Oui, oui, oui, c'est un très bon album qu'on a un grand plaisir à réécouter. À écouter et à réécouter. On va finir avec un titre, avec une reprise d'un titre d'Elvis Presley, Oh, laisse-la partir. So let's have a party. Elle te fait des histoires, te trouble la mémoire. Elle cherche à s'amuser, mais elle ne veut pas t'aimer. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Oui, tu peux me croire, je la connais. Elle ne changera jamais. Oui, avec ses cheveux blonds, son beau regard profond. Il y en a plus d'un, crois-moi, qui l'a aimé. On va laisser-la partir. Laisse-la partir. Un peu de volonté et tout sera classé. Tu vas bientôt souffrir si tu ne veux pas en finir. Laisse-la partir. Que moi, mais tu es arrivé, alors depuis tu t'as changé. Laisse-la partir, laisse-la partir, laisse-la partir. Ah oui, tu peux me croire, je la connais, elle va me revenir. Ah oui, tu peux me croire, je la connais. Johnny et les années 60. Rock'n'roll. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je t'aimerai plus fort encore à chaque fois. Je t'aimerai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je serai là pour pleurer auprès de toi. Que mes amis le sachent, qu'ils apprennent tout, qu'ils jugent ma peine, à quel point je suis fou. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je serai là pour pleurer auprès de toi. Plus fort encore à chaque fois. Je te trouverai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Que mes amis le sachent, qu'ils apprennent tout, qu'ils jugent ma peine, à quel point je suis fou. Si tu me quittais demain, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Johnny et les années 80. Rock'n'roll. J'ai compris que quand j'ai eu ma première vraie guitare, que commençait là ma vie et mon histoire. Puis j'ai chanté sur trois accords que je connaissais, ma première musique déjà lui ressemblait. Le blues de ma vie, blues dans mon cœur, de brouillard de pluie, quand j'avais le spleen, sans amour, sans amis. Après, il y a eu pour moi la première vraie chanson. En lettres de feu, j'ai vu briller mon nom. Au fond de moi, un démon me poussait. Et sans le savoir, malgré moi, je chantais le blues de ma vie. Et les filles, folle, folle, folle. La moitié de ma vie, je la passe sur la scène. Oui, à chanter l'amour, la violence, la peine et la haine. Si je ne sais plus ce que j'ai fait de ma première guitare, je n'ai pas oublié ce blues qui chante dans ma mémoire. Et c'est toujours le blues de ma vie. J'ai fini par croire que j'étais mort. Et c'est un peu pour elle que chaque soir je chante encore le blues de ma vie, le rock and roll, le blues de l'oubli qu'elle m'a laissé au cœur avant qu'elle ne s'envole. J'ai compris ce jour d'été où elle est partie, que je n'aimerai plus jamais de ma vie. Et dans mon cœur, il ne peut plus vraiment faire très froid. On reste tout seul, le blues, ma guitare et moi, et je chante le blues de ma vie. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. On va mettre la musique. Allez, on va terminer cette série de rock'n'roll avec trois titres live. Ma chérie, c'est moi, Johnny Hallyday au Palais Sport 1976. Après, on retrouvera Quand ce jour viendra et Le bon temps du rock'n'roll. J'espère que vous passez une, ou que vous avez passé une très bonne soirée sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Majorité rock'n'roll rock ce soir. Qui t'enlève en moto, ma chérie, oui, c'est moi. Et j'ai besoin d'amour. Si quelqu'un à ta fenêtre vient frapper toi qui habite au cas, elle ne soit pas étonné, ma chérie, oui, c'est moi. Et j'ai besoin d'amour. Ne sois pas crié. Ou sinon j'appelle et je réveille tout le quartier. Si quelqu'un passe à ta porte à minuit, si ton téléphone sonne toute la nuit, ma chérie, c'est moi. Et j'ai besoin d'amour, ma chérie, c'est moi. Et j'ai besoin d'amour. Après une reprise de Jerry Lee Lewis, It Will Be Me, voici Buddy Holly. Ouais, quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, quand tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais je t'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en aurai, oui. Tu vas tout abandonner, la rose que tu t'es donnée. Tu vas emporter ton amour, ton argent. J'ai peur que tu te lasses, qu'un jour ton amour passe, que tu partes brusquement. Car quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, quand tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais j'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai. Quand tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais j'y croirai. Quand ce jour viendra, j'en mourrai, oui. C'est un filtre d'amour qui nous lie pour toujours, que même pour la vie tu m'as dit. Si un jour par la suite tu me quittes, pour moi tout sera fini. Ce jour viendra, quand tu partiras. Ce jour-là, tu me diras que vraiment tu t'en vas. Jamais j'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai. Quand ce jour viendra, quand ce jour viendra, quand ce jour viendra, jamais j'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai. Je viens aider l'hippodrome de Pantin, et cette fois-ci, après l'hippodrome de Pantin, voici le pavé de Paris à la porte de Pantin. Et le fameux titre, la fameuse reprise de Bob Seger, All Time Rock and Roll, autrement dit, le bon temps du rock'n'roll, soit RIG. J'en ai assez d'entendre à la radio, les mêmes sons et les mêmes tempos. Faudrait que la musique s'impose, tout comme au bon du temps de rock'n'roll. J'ai une intuition de disco, tous ces couleurs qui me tapent sur les nez. Le rétro, j'en ai vraiment ras le bol. Je préfère le bon temps de rock'n'roll. C'est quand elle roule de ses pas, tout comme en bon vieux temps du rock'n'roll. Pour une fois je suis resté fidèle, plus longtemps que pour la fille la plus belle. Le feeling ne s'apprend pas dans les écoles. Oh, et le bon vieux temps du rock'n'roll. Vous êtes formidable, merci. À bientôt, salut. rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que vous êtes les meilleurs. Que nous soyons bons ou que nous soyons mauvais sur scène, ça dépend en grande partie de vous. Et grâce à vous, moi je m'amuse sur scène. Je crois que c'est formidable de faire un métier en allant prendre son pied. Il y a de ça 20 ans, il y a des gens bien pensants qui ont dit le rock'n'roll ça ne dure pas plus d'un été. Aussi c'est bourgeois bien pensants ont lancé des modes comme le twist, le Madison. Il y a encore pour très peu de temps une soi-disant danse qu'on appelle le disco. Bon, moi je peux vous jurer quelque chose, c'est que moi, même si un jour je ne suis plus ici, le rock'n'roll il est là pour rester. Cette émission Johnny de A à Z spécial rock'n'roll avec l'album de la semaine. Johnny revient, les rocks les plus terribles. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, d'avoir participé activement. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.